Voilà, donc je vais essayer de synthétiser un petit peu ce que a raconté Viviane et ce que j'ai raconté aussi en espagnol pour les francophones. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc on est en ce moment à Chanco, on va se reposer quelques jours là, parce qu'on veut, on a besoin déjà et puis on profite ici d'être dans une réserve. La CONAF nous ouvre généreusement ses portes pour rester dans les réserves et les parcs nationaux du Chili. Et donc ça nous permet de laver un peu nos affaires, d'être dans un endroit en général tranquille et d'avoir de l'eau à volonté. Donc c'est déjà un grand luxe. Et depuis hier, on est rentré dans les célébrations du bicentenaire de l'État chilien. C'est toutes les années, c'est une grande fête, la fête nationale ici. Donc hier, le 17 septembre, hier le 16, c'était le dernier jour de travail. Aujourd'hui, c'est le premier jour férié. Et demain, c'est vraiment le jour de la fête, le 18. Ensuite, ça continuera dimanche. Et le lundi aussi est férié, décrété férié exceptionnellement parce que c'est le bicentenaire. Et nous, on veut éviter un peu les ivrognes sur la route, donc on va rester tranquille aussi pour cette raison. Il y a une autre réserve qu'on va visiter là, un de ces jours, et puis on va faire un tour à Cauquenes aussi, qui est une ville où il y aura apparemment un peu plus d'activité que ce qu'il y a ici. Ce qu'on a pu voir nous ce matin, c'était le défilé. Donc il y avait les différents clubs et organisations de la ville, les pompiers, les gendarmes, les collèges, les écoles, les pêcheurs. Les huasos, c'est les paysans qui mettent leurs costumes traditionnels et montent sur leurs chevaux pour faire leur parade aussi. Et puis on entend beaucoup de musique aussi. Après, ce qu'on voit en général, c'est les kermesses un peu dans tout le pays qui durent pendant toute ces 4 jours qu'ont duré la fête, dans lesquels on peut manger. En général, surtout de la viande et barbecue. Et puis aussi, on peut boire de la chicha, qui est un vin nouveau, peu fermenté, et qui se boit à cette occasion-là. Que vous dire d'autre? Donc, on est dans cette réserve qui s'appelle Federico Albert, du nom d'un illustre Allemand, né à Berlin en 1867, et qui est venu travailler au Chili. Pour le gouvernement chilien, dans disons, tout ce qui est la conservation des ressources naturelles. Et ici, à Chanco, spécialement dans le cas de Chanco, c'était des dunes de sable qui avançaient et qui menaçaient le village de Chanco, et que Federico Albert a pu arrêter grâce à des plantations d'arbres comme des eucalyptus, des chênes, des aromes, je crois que ça s'appelle mimosa, et puis d'autres espèces qui ont permis de recoloniser un peu, enfin coloniser les dunes et de les stabiliser. Ces dunes, elles sont dues à la grande déforestation de toute la zone par laquelle on est passé et qui a provoqué l'érosion des sols. Et l'érosion des sols, ça veut dire du sable, du matériel qui arrive dans la mer, et la mer va déposer ce matériel sur les plages. Et s'il y a du vent, bah ça peut arriver aussi sur le littoral et entrer dans la terre. Ce qu'on voit aussi sur la côte atlantique en France. Donc c'est un beau travail. C'était au début du XXe siècle. Maintenant, ces arbres, ils ont plus de 100 ans. Donc c'est devenu intéressant et c'est devenu une réserve. Et il y a des sentiers qu'on peut parcourir, notamment un sentier pour personnes handicapées, et très bien fait. Voilà, donc comme le disait Viviane, on a parcouru toute une région du littoral qui a été touchée par le tremblement de terre et par le tsunami. Et on voit que les gens ont, disons, ont passé l'étape et qu'ils sont à nouveau avec beaucoup d'entrain pour reconstruire et ils ont considéré que c'est l'histoire, ce qui s'est passé. Et on a de la chance d'avoir pu rencontrer beaucoup de personnes, échanger. C'est un peu ce qu'on recherche dans ce voyage aussi. On vous remercie pour nous appuyer et pour nous envoyer des petits messages sur notre blog. On essaye d'y répondre le plus possible. On pense bien à nos familles, à nos amis. Et puis, on vous envoie plein de bonnes pensées. Et jusqu'aux prochaines aventures. On vous invite aussi à venir marcher avec nous. Pour ceux qui sont en France, ça va être un peu plus difficile. Pour ceux qui sont au Chili, c'est possible. Et ça permet d'échanger des bons moments et de discuter et de réfléchir aussi sur certaines choses. Voilà, on va arrêter ici pour aujourd'hui et puis on vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt. À bientôt.